souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 10, deuxième partie. Chez Cézanne à Aix. Comment je connus Renoir. Aessoy chez Renoir. Albert Bénard. Jacques-Émile Blanche. Boldini. Forain. Sem. Helleux. Redon. James McNeill Whistler. Les Nabis. Dans mon livre sur Cézanne, j'ai parlé de la visite que je fis au peintre à Aix, sa ville natale, après l'exposition de ses tableaux dans mon petit magasin de la rue Lafitte. Comment ne donnerais-je pas encore un souvenir à cette époque à la fois si lointaine et si proche? Comment taire mon émerveillement durant le trajet de Marseille à Aix, pendant que défilait, devant la glace de mon compartiment, tous ces paysages où je retrouvais les tableaux de Cézanne. Comment ne pas évoquer une fois de plus la ferveur du peintre, le pinceau à la main devant des toiles que, parfois, il n'hésita pas à détruire dans un mouvement d'irascibilité. Tels un paysan tout criblé de coups de couteau, ou aussi cette nature morte que, de l'atelier, on apercevait à travers les fenêtres, se balançant à la branche d'un cerisier. Chaque fois que je pense à Cézanne, je revois cet atelier où des reproductions piquées au mur attestaient l'amour que le peintre avait pour les anciens. Luca Signorelli, le Greco, le Tintoret, le Titien, et, plus près de nous, Delacroix, courbé pour arriver à Forain. Pauvre reproduction, image d'un sou, mais qui suffisait à l'artiste pour se recréer l'ambiance des musées. Je ne pus résister non plus à la tentation de rappeler la forte culture classique du maître d'Aix, son emballement pour Baudelaire, ses accès de colère s'il rencontrait un contempteur de l'une de ses admirations. Et, quand on le croyait le plus déchaîné, se révélant soudain avec la sensibilité, l'ingénuité de l'enfant. Cette fois, par exemple, où, me prenant à témoin, il vituperait feu Zola, qui avait osé reprocher à Corot de n'avoir pas, dans ses paysages, mis des paysannes au lieu de nymphes. Et, au plus fort de son emportement, me disant avec un tremblement dans la voix, « Excusez un peu, monsieur Volard, j'aime tant Zola !» Puisque je parle d'Aix, qu'on me permette de donner un souvenir à quelques-uns de ses habitants que j'ai connus. À cette famille J, notamment, qui possédait de si magnifiques Cézannes laissées pêle-mêle sur le palier, voisinant avec les objets les plus hétéroclites. Cages d'oiseaux, chaises défoncées, pots de chambre ébréchés, tous objets ayant participé à la vie de la maison et, par là, promus en rang de Dieu l'art. Et encore cette comtesse demeurait fière dans l'infortune et qui refusait énergiquement de se séparer de ses Cézannes reléguées au grenier. « Je ne suis pas marchande, monsieur. Et s'il y a des rats au grenier ? Mais quoi, ce sont mes rats ? Et enfin, pourrais-je oublier tous ces nigauds qui croyaient, durs comme fer, que si Paris paraissait s'engouer de Cézanne, c'était pour se moquer de la province, et qui prenaient à la lettre ce que leurs compatriotes leur disaient de lui-même quand il déplorait son impuissance à réaliser, ou qu'il déclarait à une aquarelliste aixoise, sollicitant ses conseils. « Mais madame, si j'étais seulement aussi habile que vous, il y a longtemps que je serais reçue au salon. » On ne peut donc pas s'étonner si tous ces gens estimaient que Cézanne manquait de discrétion quand il envoyait deux de ses toiles à une exposition de la Société des peintres amateurs aixois. Mais il puisait dans son art la force de supporter les moqueries, les déboires que lui attirait sa peinture. Écoutez un peu, monsieur Vollard, je crois que la peinture est décidément ce qui me vaut le mieux, me disait-il un jour qu'il me parlait de la prétention des crétins, des intellectuels et des drôles. Il est à peine utile d'ajouter qu'il évitait tout contact avec eux, voire avec les autres. Si grande même était sa méfiance à l'endroit d'autrui, que, croisant dans Aix un camarade qu'il n'avait pas revu depuis 30 ans, comme celui-ci, après les premières effusions, lui demandait son adresse, « Oh, je demeure loin, dans une rue !» Lors de ma visite à Aix, j'étais descendue dans un hôtel du cours Mirabeau. Je ne puis penser à la ville aux 100 fontaines sans revoir son cours Mirabeau, tout baigné de soleil, un soleil qui, à travers les branches des platanes, faisait par terre de si jolis creux d'ombre et de lumière. Je me rappelle notamment ce café des deux garçons, où j'ai passé tant d'agréables heures avec le poète Joachim Gasquet, l'animateur de la jeunesse intellectuelle d'Aix. Ce fut dans ce milieu que j'entendis, pour la première fois, parler d'autonomisme. Mais l'autonomisme aixois n'était pas comme celui qui se manifeste par des bombes. L'autonomisme provençal était bon enfant. Ses pires excès n'allaient pas plus loin que de verser un encrier sur le chef du roi René. De jeunes exaltés faisaient à celui-ci grief d'avoir, par le don de son duché à la France, ravalé au rang d'un département banal une antique province fière de son passé. Quel souvenir j'ai gardé d'un déjeuner que je fis chez Gasquet. En entrant dans la salle à manger, je me trouvais en face de 3 Cézannes. La femme au chapelet, passée plus tard dans la collection Jacques Doucet, ce champ de blé que je retrouvais, si je ne me trompe, à la vente Bernstein, et enfin la fameuse Sainte-Victoire, acquise depuis par Courtot, le grand collectionneur londonien. Ce furent ces deux magnifiques toiles, le champ de blé et la Sainte-Victoire, que Cézanne, voulant à tout prix être accrochée, avait envoyées à l'exposition d'un groupe d'amateurs dont il faisait partie. Les tableaux ne purent être refusés, car les statuts donnaient à tout membre le droit d'envoyer de toiles. Mais les organisateurs de l'exposition crurent devoir s'excuser du discrédit qui était ainsi jeté sur une manifestation d'art. Il y avait à ce déjeuner De Molin, un jeune littérateur aixois dont Gasquet faisait cas, et un autre jeune homme dont je n'ai pas retenu le nom. Au dessert, notre hôte nous donna la primeur d'un de ses plus récents poèmes. Comme nous nous levions de table, la bonne annonça « Monsieur Cézanne !» Le peintre était accompagné du père de Gasquet, un ancien boulanger, royaliste convaincu. Son fils l'épatait, mais l'inquiétait davantage encore. Il éprouvait à peu près les mêmes appréhensions qu'exprimait le père de Cézanne quand il disait à son fils « Enfant, songe à l'avenir, on meurt avec du génie et on mange avec de l'argent. » En entendant Joachim exalter tant d'écrivains morts depuis si longtemps, l'ancien boulanger trouvait qu'il était déraisonnable de choisir un métier où il faut subir la concurrence, non seulement des vivants, mais encore des morts. Du moins, les enthousiasmes du jeune poète n'étaient pas pour déplaire à Cézanne. Encore que le peintre, qui reprenait 100 fois la même toile, dut souhaiter que se disciplinât cette fougue juvénile avec laquelle Joachim prodiguait ses vers, comme l'oiseau lance ses trilles. En entrant, Cézanne avait jeté les yeux sur une revue d'art moderne où l'on voyait, en tête d'un article sur les maîtres provençaux, les portraits de Puget et de Daumier. Mais est-ce qu'ils savent seulement, à Marseille, que Puget et Daumier sont de chez eux ?»« Comme Cézanne est nôtre !» s'écria l'un des convives. Cézanne jeta à l'interrupteur un regard sévère. Sans doute le compliment le flattait-il médiocrement, émanant de l'un de ses compatriotes dont il avait coutume de dire qu'ils étaient un peu « minces d'étoffe ». Quand, au bout d'un instant, Cézanne se leva pour partir, Gasquet ayant prononcé un nom cher entre tous au maître d'Aix, le nom de Baudelaire, le peintre se mit à déclamer. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Quand Cézanne se tut, il se fit un silence que personne n'osait rompre. Madame Joachim Gasquet glissa vers le piano, l'ouvrit doucement et joua une sonate de Beethoven à laquelle Cézanne ne ménagea pas ses applaudissements, encore que les musiques qui avaient sa prédilection fussent la musique militaire et l'orgue de Barbarie. Platon a proposé de couronner de roses les poètes et de les reconduire à la porte de la République. C'est qu'il méconnaissait le rôle qu'est appelé à jouer le poète aux heures critiques, quand les défenseurs de la cité ont besoin d'être exaltés. Un compagnon de tranchée de Gasquet me disait « Quand ce type-là arriva, nous étions dans la boue jusqu'au ventre, on avait un de ces cafards. » Il nous récita des vers de Calendal, ça nous a remis tout de suite l'estomac en place. Nous ne voyions plus le ciel noir. Positivement, nous entendions chanter les cigales. Cézanne fit de Gasquet un portrait, aujourd'hui au musée de Prague. Je me rappelle que l'ancien professeur de philosophie du poète, M. Duménil, après avoir longuement contemplé cette toile dans mon magasin, « Comme c'est étrange !» s'écria-t-il. « Je croyais bien connaître Gasquet. Eh bien, devant ce portrait, je comprends que le vrai Gasquet n'est pas le naïf que je m'imaginais. » L'ardeur de cette jeunesse d'Aix, si vibrante, ne trouvait pas d'écho dans les vieilles demeures aristocratiques de la ville. Parmi les descendants des anciennes familles, descendants appauvris, mais qui avaient le plus grand souci de garder leur rang. Des messieurs qu'on voyait, dès le matin, en chapeau haut de forme et en cravate blanche, allant chez le boulanger acheter un petit pain d'un sou. Ils vivaient des derniers vestiges de leur opulence passée. Meubles signés, portraits d'ancêtres, boiseries d'époque qui, peu à peu, s'en allaient chez les antiquaires et les brocanteurs. Mais tant qu'il restait un toit, un parquet, des fenêtres, on recevait entre soi. Dans des tables anciennes dépareillées, sans feu dans la cheminée, sans bonne, la dame et ses filles offraient le thé avec un cérémonial où les manières du grand siècle remplaçaient, le plus souvent, les petits gâteaux. Or, un jour, passant devant un de ces anciens hôtels d'Aix, j'entendis une dame qui, en introduisant la clé dans la serrure, disait à une jeune fille au moment où celle-ci la quittait. « Jeanne, viens goûter demain avec ta sœur à la maison. Il y aura du saucisson d'art, la double boyau. » « Ah, me dis-je, voilà du moins une demeure où l'aisance n'est pas tout à fait bannie. » Le hasard me fit rencontrer, quelque temps après, cette même jeune fille. « Eh bien, m'informai-je, il était bon le saucisson d'Arles ?»« Il n'y en a pas eu de saucisson. Ma cousine nous expliqua qu'elle avait oublié que c'était vendredi. Pour nous dédommager, cousine ouvrit toutes grandes les fenêtres du salon et nous respirâmes l'air du jardin. » J'appris, du même coup, que les dames de la société d'Aix ne descendent jamais dans leur jardin. Je demandai pourquoi. « Parce que, me répondit mon interlocutrice, les voisins pourraient s'imaginer qu'on n'a pas de quoi aller à la campagne. » Il est admis, toutefois, sans que les convenances en souffrent, que l'on se promène dans le jardin public, étant entendu que l'on restera sur un strict quant à soi. À ce propos, une jeune artiste originaire du pays, Mademoiselle Raymond, me racontait que sa grand-mère se retrouvait chaque jour dans le jardin public de sa ville natale avec une vieille dame que venait souvent rejoindre une ancienne compagne de pension. Cette dernière, la vieille dame étant restée plusieurs jours sans venir, lui écrivit pour lui demander, en l'appelant « ma chère amie », des nouvelles de sa santé. « Concevez-vous, » dit à ma grand-mère l'ombrageuse aixoise, « elle se permet de m'appeler ma chère amie parce que depuis 30 ans on se connaît. » L'admirable campagne que c'est le Dex. Je la découvris en allant voir Marcel Provence. On sait quels efforts l'actif régionaliste fait pour sauvegarder tout ce qui subsiste des traditions du pays. Je pense notamment aux santons. Ces aimables figurines, fantaisie du vieil artisanat méridional, doivent à leurs fervents propagandistes d'avoir fait leur petit bonhomme de chemin qui les amenait jusqu'aux boutiques parisiennes des grands boulevards. Quelle agréable journée j'ai passée chez Marcel Provence, dans sa maison familiale aux murs tendus d'anciennes toiles de Jouy, dont les motifs surannés et presque attendrissants évoquait la douceur de vivre du bon vieux temps. La sœur du poète faisait, avec quelle grâce, les honneurs de la maison. Et l'exquis déjeuner qui nous fut servi. Je fus très frappée par la façon à la fois digne et respectueuse dont les gens de la ferme, le soir venu, rentrant les charrettes de foin, saluaient leur maître en passant. Mais les braves paysans de la région d'Aix n'appartiendraient pas à l'humanité s'ils ne connaissaient pas les petites disputes, les petites animosités entre voisins. Un jour, me promenant à quelques kilomètres de la ville, je dus demander mon chemin à une paysanne courbée dans son jardin, comme si elle parlait à la terre. Voulant lui montrer que je m'intéressais à ceux du pays, je lui fis compliment de son jardin et aussi de celui de sa voisine. « Oh, monsieur, celle-là, c'est une femme à se méfier. Elle se cache des autres. » Et, à mi-voix, comme si elle me confiait un secret, « elle a semé son jardin avant que tout le monde soit levé pour qu'on ne sache pas ce qu'elle a planté. Et puis, c'est une qui n'est pas honnête. Il y avait des petits oiseaux qui venaient ici, qui chantait pour moi. Eh bien, monsieur, elle les a attirés dans son jardin avec le crottin de son cheval. Mais si, pour remplacer les graines qu'ils trouvent dans le crottin, vous leur jetiez du pain, ils aimeraient peut-être encore mieux ça. Du pain? Une chose qui coûte de l'argent? À des bêtes qui ne sont pas à vous? Comment je connus Renoir? Je désirais savoir qui avait posé pour un tableau de Manet que je possédais. C'était le portrait d'un homme campé au milieu d'une allée du bois de Boulogne, coiffé d'un chapeau gris, habillé d'une jaquette mauve, d'un gilet jaune, d'un pantalon blanc, avec des escarpins vernis. J'allais oublier une rose à la boutonnière. On m'avait dit « Renoir doit savoir qui c'est ». Je m'en fus trouver le peintre qui habitait, à Montmartre, une vieille bâtisse appelée le Château des Brouillards. Dans le jardin, une bonne, l'air d'une bohémienne, un enfant dans les bras, ne m'avait pas plutôt dit d'attendre dans le couloir de la maison qu'arrivait une jeune dame, toute la rondeur et la bonhomie de certains pastels de Perronneau, dans ces bourgeoises du temps de Louis XV. C'était Madame Renoir. « Comment, monsieur, on vous a laissé là, Gabriel ?» Alors, la bonne, « Mais c'est plein de boue dehors !» Madame Renoir alla prévenir son mari, après m'avoir fait entrer dans la salle à manger, où je pus admirer quelques magnifiques toiles de Renoir. Le peintre arriva bientôt. lui ayant dit ce qui m'amenait. « Votre homme, c'est Monsieur Brun, un ami de Manet. Mais voulez-vous monter à l'atelier? Nous serons mieux pour causer. » Renoir m'introduisit dans une pièce des plus banales. Un chevalet, deux ou trois meubles disparates, un fouillis d'étoffes, quelques chapeaux de paille que le peintre aimait à chiffonner entre ses doigts avant de faire poser ses modèles. De tous côtés, des toiles tournées les unes contre les autres. J'observai, près de la chaise du modèle, avec encore leur bande, une pile de numéros de la revue blanche, une revue d'avant-garde. « Voilà, dis-je, une publication bien intéressante. Oh, ma foi, oui, c'est mon ami Natanson qui me l'envoie. » Et, comme j'étendais la main, Renoir vivement, « Ne dérangez rien, c'est disposé pour soutenir le pied de mon modèle. » Renoir, assis devant le chevalet, avait ouvert sa boîte à couleurs. Je fus émerveillé de l'ordre et de la propreté que j'y voyais. Palettes, pinceaux, tubes aplatis et roulés au fur et à mesure qu'ils se vidaient donnaient une impression de netteté quasi féminine. Je dis à Renoir quel avait été mon ravissement devant deux nus de sa salle à manger. Ce sont des études d'après mes bonnes. J'en ai eu quelques-unes d'admirablement faites et qui posaient comme des anges. Mais il faut ajouter que je ne suis pas difficile, pourvu que je tombe sur une peau qui ne repousse pas la lumière. Je ne sais pas comment font les autres pour arriver à peindre leurs femmes du monde. En avez-vous jamais vu des femmes du monde avec des mains qu'on aurait plaisir à peindre? C'est pourtant si joli à peindre, des mains de femmes, mais des mains qui se livrent aux travaux du ménage. À Rome, à la Farnésine, il y a de Raphaël une Vénus qui vient supplier Jupiter. Elle a des bras. Oh, c'est délicieux. On sent une bonne grosse commère qui va retourner à sa cuisine. C'est ce qui faisait dire à Stendhal que les femmes de Raphaël sont communes et lourdes. La conversation se trouva interrompue par l'arrivée du modèle, sur quoi je pris congé, non sans avoir demandé au peintre la permission de revenir le voir. Tant que vous voudrez, mais de préférence à la tombée de la nuit, quand j'ai fini ma journée. On devine mon empressement à profiter de l'autorisation. Dès la semaine suivante, je retournai chez Renoir. C'était un soir après dîner. Il venait de se mettre au lit. Étant seul ce soir, je me suis couché plus tôt que d'habitude. Gabriel va me lire quelque chose. Je vous invite à la petite fête. « Vous avez vu, Monsieur Renoir, dans le journal, » fit Gabriel, « que Monsieur X vient d'être nommé chevalier de la Légion étrangère ?»« De la Légion d'honneur, Gabriel !» Alors Gabriel, « Ah, je croyais !»« Dans la pièce à côté, vous trouverez des livres. Apportez-les. » Une fois Gabriel sorti, « Ce que j'aime dans cette fille, c'est qu'elle a toujours le mot drôle sans s'en douter. » Cet homme auquel elle attribue la Légion étrangère, c'est un Français qui, hier encore, était roumain ou peut-être polonais, lui-même ne savait pas au juste. Tenez, un autre trait de Gabriel. L'autre été, nous avions loué à la campagne une maison près d'un fort. Ma femme a trouvé Gabriel qui, à travers les barreaux de la cuisine, tendait alternativement à deux soldats des cuillerées de soupe et des cuillerées de confiture. « Mais vous allez les rendre malades avec votre mélange, ma pauvre Gabrielle !» lui dit ma femme. « Ah, vous croyez ?» fit Gabrielle, prise d'inquiétude. Comme quelqu'un survenant disait qu'à Lyon, on lui avait servi le potage après la confiture. « Justement, » fit Gabrielle, tout de suite rassurée, « ils ont dit que leur régiment était désigné pour Lyon. » « Eh bien, voyez-vous, » reprit Renoir, j'aime 100 fois mieux entendre toutes ces couillonnades que d'avoir affaire à une penseuse. Tenez, je faisais poser la femme d'un aubergiste, une belle fille avec de bonnes joues rouges. Il me semblait qu'elle était, tout le temps, à ruminer quelque chose derrière son front contracté. Agacée, je finis par lui dire, Ça ne va pas aujourd'hui. Je me demande à quoi vous pouvez bien penser. Mais, monsieur Renoir, je pense que pendant que je suis là, il y a mon avarin qui est en train de brûler. Gabrielle était revenue. Déposant sur la table les livres qu'elle avait apportés, elle s'était mise à énoncer les titres. Cruelle énigme. Monsieur de Camors, Madame Bovary. Alors, interrompit Renoir, il va falloir que je m'appuie 300 pages parce qu'un pharmacien a été fait cocu. C'est comme Salambo, du même, qu'on veut tout le temps me faire lire. J'aime 100 fois mieux le roman de la momie. Tous les gens sont là à me dire qu'il est faux d'un bout à l'autre. C'est peut-être pour cela que je le trouve si agréable à lire. Les fleurs du mal, continua Gabriel. Un des livres que je déteste le plus, s'écria Renoir. Je ne sais pas qui m'a encore apporté ça. Si vous aviez entendu comme moi Mounet Sully réciter dans le salon de Madame Charpentier la charogne devant toutes ces dindes qui en bavaient. Gabriel poursuivait. Germini la Certeux, Madame Chrysanthème, la chanson des gueux, la légende des siècles. Renoir, qui écoutait, indifférent, étendit la main à l'énoncé de ce dernier titre comme dans un geste de répulsion. Mais les vers d'Hugo sont très beaux. Oh, c'est bien possible qu'Hugo ait du génie. Mais ce qui m'exaspère dans cet homme, c'est qu'il a déshabitué les Français de parler simplement. Gabriel, vous irez sans faute demain m'acheter la Dame de Montsoreau. Et, s'adressant à moi, quel chef-d'œuvre ! Le chapitre où Chico bénit la procession. Monsieur, s'écria tout à coup Gabriel, voilà un livre d'Alexandre Dumas. Le visage de Renoir s'éclaira, et Gabriel d'annoncer triomphalement « La dame aux camélias !»« Jamais de la vie !» protesta Renoir. « Je déteste tout ce qu'a fait le fils, et ce livre-là plus que tous les autres. J'ai toujours eu horreur de la poufiasse sentimentale. » Renoir avait à Essouailles, pays natal de sa femme, une petite habitation où il passait les mois les plus chauds de l'été. Quel bon moment j'ai connu dans cette demeure qui était une vieille maison de paysans, aux murs épais, entourée d'un jardin planté d'arbres fruitiers. Un de ses amis, l'automne venu, s'étonnait que le peintre tardât tant à rentrer à Paris avant d'aller dans le Midi où ses infirmités le contraignaient à passer l'hiver. « Que voulez-vous ? » lui répondit Renoir. « Devant un bon feu de bois, je n'éprouve pas le besoin d'aller retrouver le chauffage central. Ici, j'ai d'excellent beurre et du pain comme on n'en mange pas à Paris. Et puis, ce petit vin du pays. Je me rappelle encore ce vin-là. Et aussi un certain marc qui valait tous les vieux Armagnacs. » Ce qui me plaisait particulièrement à Essouailles, c'était sa rivière, la rivière l'Ours, qui ajoute tant de charme au paysage. Renoir, devenu incapable de marcher, se faisait souvent transporter sur le bord du cours d'eau. Lors d'un séjour que je fis là, je m'étais informé des curiosités du pays. Aussitôt, on me vanta le tombeau de l'ancien propriétaire des magasins du Louvre, le commandant Herriot. Celui-ci avait eu une ambition dans sa vie. Il voulait une sépulture magnifique et originale. Le commandant Herriot, qui se piquait d'avoir des idées, avait hésité entre deux conceptions, une pyramide ou une colonne tronquée. Mais il mourut avant d'avoir pu se décider et sa famille se fit un devoir de réaliser son vœu. Après avoir mûrement réfléchi, elle décida d'amalgamer les deux projets du défunt. La pyramide fut coupée par le milieu et sur cette masse, on installa une sorte d'obélisque. Sur l'une des faces, une inscription énumère les principaux mérites du commandant et nous apprend que son frère, qui fit élever le mausolée, est chevalier de la Légion d'honneur. Le jour où l'on me fit admirer cette œuvre d'art, je vis, agenouillée devant la sépulture, une vieille paysanne. Comme, s'étant relevée, elle le passait près de moi. « Le commandant Herriot était votre parent ?» lui demandai-je. « Oh non, monsieur, pensez-vous ?»« Alors, pourquoi étiez-vous en prière sur cette tombe ?»« Oh, voyez-vous, personne n'y vient jamais. Alors, quand j'ai fini de faire de l'herbe pour mes lapins, je dis là-devant un pater et un ave. Comment ça peut-il se faire qu'un Richard soit oublié comme ça ?» J'ai beaucoup connu Albert Bénard. Il était du temps où les impressionnistes avaient à livrer bataille pour se faire une place au soleil. Et quelle petite place! C'était l'époque où Théodore Duret, qui avait été un des premiers à les défendre, présentait aux peintres officiels une humble requête en faveur de ses amis. « Vous êtes les convives de la grande table. Nous ne vous demandons pas de nous y asseoir. » Laissez-nous seulement dresser une petite table à côté. » Bénard, lui, s'était fait un public tout de suite. Il faut reconnaître qu'il avait le don de la grande composition, et sa couleur joyeuse et claire, son apparente hardiesse, l'avait fait accepter par ceux qui jugeaient arriérés les salons officiels, mais qu'effrayaient les trop grandes libertés des impressionnistes. Ceux-ci, de leur côté, se croyaient fondés à accuser Bénard d'avoir trop bien su s'approprier leur découverte. C'est ce que Degas traduisait par cette boutade. « Ils volent de nos propres ailes !» Bénard, il est vrai, ne s'exprimait pas avec une liberté moindre. Un jour, dans son atelier, je m'étais arrêté devant le baiser de Rodin. « Vous aimez ça, vous ?» me demanda Bénard. Comme j'avais l'air d'hésiter, « Est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là font l'amour ?»« Dame, allons, vous voyez bien que ce sont des modèles qui ont pris la pose. » J'ai eu l'honneur d'avoir deux fois Bénard à déjeuner chez moi. La première fois, ce fut à l'occasion de mon prix des peintres. Bénard était un des membres du jury. Son candidat était Paul Valéry, pour qui, d'ailleurs, presque tout le monde vota. La seconde fois, ce fut à propos de la candidature académique de Georges Rouault. Celui-ci étant retenu en Suisse par la maladie, j'avais invité diverses personnalités pour leur faire voir quelques-unes de ses œuvres. Après que j'en eus fait défiler un certain nombre, Bénard, me prenant à part, « Faites-moi voir vite les Rouault, car je suis obligé de partir. »« Mais ce sont les Rouault que vous venez de voir. » Il fit « Ah bon ?» Il faut dire que, ce jour-là, Bénard paraissait très préoccupé. À table, sa voisine, pensant réveiller en lui des souvenirs agréables, lui avait parlé d'une personne que le maître connaissait depuis 40 ans et à laquelle on le savait particulièrement attaché. « Elle a un bien joli nez, » fit la dame. « Alors, Bénard, vous croyez qu'il suffit pour une femme d'avoir un joli nez ?» J'ai été quelquefois chez Bénard à son jour de réception, le dimanche après-midi. Je trouvais le peintre assis dans un fauteuil au milieu de dames très empressées. Les autres assistants causaient discrètement debout ou par petits groupes. On avait l'impression d'un vieux seigneur entouré de sa petite cour. Au milieu de l'atelier, sur un chevalet, une grande toile, le portrait en pied du cardinal Mercier. Quelqu'un dit « Comment cette toile n'est-elle pas déjà dans un de nos musées ?» Alors Bénard, simplement, « Le Luxembourg l'a refusée. On m'a objecté qu'elle est trop grande. Jadis, c'était aux vieux que l'on donnait toute la place. Aujourd'hui, c'est aux jeunes. » Ce fut de la meilleure grâce que Bénard écrivit une préface pour mon édition du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, illustré par Picasso. Je puis dire à ce propos que Picasso, qui, à l'instar de M. Ingres, doit avoir plusieurs pinceaux, fit cette fois-là certaines de ses compositions qui répondent le mieux à l'idée qu'on se fait d'un pur classique. Étant allé faire une visite à Bénard pour le remercier de sa collaboration, on m'introduisit dans une petite pièce où il était seul. Je ne retrouvais pas là cette espèce de rayonnement qu'il dégageait dans son atelier au milieu de ses admirateurs. J'avais sous les yeux un homme qui portait son âge et qui semblait à charge de lui-même. Au moment où j'entrai, il repoussa, en étouffant un bâillement, le livre qu'il tenait à la main. Comme je témoignais mon admiration pour un tiepolo accroché au mur, il me regarda avec un air satisfait, mais où il me sembla surprendre quelque chose d'un peu narquois. Quand, après sa mort, on fit sa vente, je compris sa légère ironie. Le tiepolo, que je continuais d'ailleurs à trouver très joli, était bien un tiepolo. Non pas du célèbre auteur de l'Adoration des Mages, mais de son fils, Delmonico. Encore que les musées exposent ses toiles en bonne place, que ses livres soient sur les rayons de toutes les bibliothèques d'art, il semblerait que M. Jacques Blanche soit victime d'une conspiration du silence. J'ai entendu un homme d'esprit en donner une explication qu'on croirait empruntée à un conte des mille et une nuits. À la naissance du peintre, deux fées entouraient son berceau. L'une dit « Tu seras peintre », l'autre ajouta « Tu seras aussi un écrivain ». Survint une troisième fée. Et moi, je te fais don d'un esprit caustique. Ce n'est certes pas de ce don-là que le filleul des fées eut le plus à se louer. Sans cet esprit dont les morsures atteignaient indifféremment artistes et littérateurs, ces derniers auraient peut-être dit « Qu'a-t-il à faire d'écrire? Il peint si bien !» Cependant que les peintres auraient, de leur côté, déclaré « Il est si intéressant à lire, pourquoi s'obstine-t-il à peindre ?» En somme, les uns et les autres ont trouvé une meilleure riposte à ses traits en affectant de l'ignorer. Quand l'Institut l'accueillit parmi ses membres, « On ne pourra plus nous accuser, » dirent ses nouveaux confrères, « de repousser les jeunes. » Et chacun d'ajouter impeto, maintenant qu'il est des nôtres, la maison aura là un bon parapluie. Or, peu après son élection, à une soirée chez Van Dongen, deux immortels échangeaient des confidences sur les candidats qui briguaient un fauteuil vacant à l'Académie des Beaux-Arts. « Je voterai pour X, » dit l'un d'eux. « J'aime mieux le talent de Z. » Mais je ne veux plus des jeunes. Comment ? Repartit son confrère. Mais c'est vous-même qui avez fait campagne pour que l'Institut se rajeunisse. Oui, reprit le premier. Mais cela nous a amené Jacques Blanche. Je crus comprendre alors que M. Jacques Blanche n'était pas le bon parapluie sous lequel l'Académie avait espéré s'abriter. Boldini, envers qui ses confrères se croyaient quittes en l'appelant le peintre des élégances, les élégances de 1890, eh bien, j'ai vu un jour Degas s'arrêter devant une toile de lui représentant le peintre Lewis Brown et sa famille. Un Lewis Brown riant de toutes ses longues dents jaunes, sa femme et sa fille debout derrière le fauteuil où il était assis. De la main, Degas caressait la toile sans dire un mot, ce qui était encore, pour lui, une façon d'admirer. Pourtant, Degas n'était pas tendre pour ce confrère, dont la virtuosité et aussi quelque chose d'équivoque dans la peinture ne lui allait pas. Je me rappelle cette fois où Degas regardait chez moi des dessins de Charles Serré, qui, rehaussé d'un trait de pastel, rappeler certains petits maîtres d'avant la Révolution. Ceux que j'avais mis sous les yeux de Degas représentaient des jeux de fillettes. « Comme c'est bien là des enfants, » dit Degas, « quand on pense aux petites filles de Boldini avec leur air vicieux. » J'ai vu Forain pour la première fois il y a quelque 50 ans. À cette époque, je faisais mon droit, et déjà tout ce qui touchait à l'art m'attirait. Mon correspondant à Paris, un planteur de La Réunion, m'avait dit « Voici un louis, toi qui me parles toujours de tableaux. Trouve-moi donc une gravure, un petit dessin, ce que tu voudras, enfin, tu comprends. » Pour mon propre compte, j'aurais eu moins de hardiesse. Mais comme j'agissais pour un autre, je risquais le coup et me rendis chez Forain, dont j'admirais chaque semaine les dessins dans le courrier français. Je lui exposai la mission dont j'étais chargé. Il sourit, ouvrit un carton et me donna un lavis représentant une femme qui semblait guetter un client invisible. « Épatant !» s'écria mon correspondant quand je lui remis le dessin. « Mais je me demande comment ce bougre-là a pu piger ça. Cette femme-là, je jurerais que c'est celle que j'ai rencontrée l'autre soir, rue Notre-Dame de Lorette. Pourtant, il m'a bien semblé que nous étions seuls. » J'expliquai que le propre de l'art était précisément de donner l'impression du réel, de la chose vue. Mon interlocuteur écarquillait les yeux. « Ne trouves-tu pas, me confia-t-il, pendant qu'il contemplait son Forain, que ça doit vous procurer un sacré plaisir de pouvoir rendre une chose comme ça? Si ma vie était à recommencer, je crois bien que j'apprendrais le dessin. » Degas appréciait beaucoup Forain. L'estime qu'il avait pour son talent l'empêchait de se fâcher lorsque Forain arrivait en retard à un dîner. Mais Degas restait intransigeant quand il s'agissait de fleurs. S'il les admettait à la rigueur dans un jardin, il les proscrivait impitoyablement dans un appartement. Un jour, Degas, venant déjeuner chez Forain, et ne trouvant personne au salon, entra dans la salle à manger. Un bouquet occupait le milieu de la table. Furieux, il le prit et, traversant l'appartement, alla le poser dans un coin. La cousine de Madame Forain, arrivant dans la salle à manger, « Oh, on a oublié les fleurs et Monsieur Degas qui déjeune avec nous !» Après avoir cherché partout, la femme de chambre finit par retrouver le bouquet et le remit à sa place. Quand on passa à table, Degas, qui donnait le bras à Madame Forain, se dégagea brusquement et quitta la pièce sans prononcer un mot. On courut après lui. Il consentit à revenir, mais seulement après qu'on lui eut juré qu'il n'y aurait jamais plus de fleurs sur la table. De même que Degas, Cézanne tenait Forain en grande estime. Dans son atelier de la rue Égésippe Moreau, il y avait, piqué au mur, toutes sortes de dessins du satirique de Doux Pays. Je ne songe point, bien entendu, à juger l'œuvre de Forain. Œuvre immense. Peinture, dessin, eau-forte, lithographie. Et ces petites compositions ambistres qui s'apparentaient à Fragonard et qu'il gardait jalousement dans ses cartons. Ce qui est prodigieux chez un artiste parvenu à la maîtrise, c'est l'effort si tenace qu'attestent 20, 30 études pour fixer une attitude, un geste. Je pense, entre autres, à l'intensité de vie que le peintre a su donner à un personnage qui, sous l'effet d'une gifle, semble positivement tournoyer sur lui-même. Les traits que se plaisait à décocher Forain contre les uns et les autres, il était assez rare que ses victimes lui en gardassent rancune. C'est que ces mots, même les plus cruels, il les disait avec un sourire à lui, qui, pour sarcastique qu'il fût, n'en dégageait pas moins une sorte de cordialité. C'étaient des mots dont on a pu dire qu'ils jaillissaient des lèvres et ne partaient pas du cœur. Un côté de Forain peu connu, le gentleman farmer. J'étais allé le voir dans sa propriété du Chêne. Je le trouvai regardant un taureau que conduisait un valet de ferme. « Vous allez faire une étude de ce magnifique animal ?» lui dis-je. « Pas du tout. Je le présente au commis agricole. Mon fermier m'assure que nous aurons un premier prix. » Un autre dessinateur qui eut son heure de grande célébrité, le caricaturiste Sem. Redoutable, le crayon à la main, il faisait médiocre figure, avec sa petite taille et son allure étriquée. Mais cet homme si menu ne se laissait pas facilement épater. Un jour, il reçoit un coup de téléphone de la part de son ami Boldini, lui faisant savoir que le peintre, au plus mal, le réclamait avec insistance. Sem se rend aussitôt à son appel. Boldini avait préparé toute une mise en scène pour faire croire à sa mort. Il avait allumé des cierges autour de son lit et il se tenait immobile, les mains jointes sur la couverture. La porte était restée à dessein entr'ouverte. Sem, tout ému, et considérant comme un devoir pieux de fixer une dernière fois les traits de son ami, tire son carnet et s'approche. À ce moment, Boldini, les couvertures rejetées, saute sur son lit, complètement nu. Alors, Sem, avec le plus grand flegme, à Boldini, tout penaud, « Ne bougez pas, la pose est très bonne !» Quand arrivait la saison de Deauville, Sem formait avec Boldini et Helle un trio qui tenait ses assises dans la célèbre rue de Paris. Et le faisait très gentleman. Il avait la correction un peu anglaise, alors que son talent l'apparentait à nos peintres du XVIIIe siècle. Avec cela, très modeste. Et si, pour fixer ses silhouettes féminines si instables, l'artiste avait le trait rapide, du moins ses dessins n'offraient nullement le caractère précipité que pourrait faire supposer le mode Degas. Et le, c'est un watteau à vapeur. J'eus un jour Sem à dîner. Étant allé précédemment à son atelier, j'avais vu sur une tablette une impressionnante rangée de bouteilles portant des étiquettes d'alcool variés. Whisky, genièvre, cumel, fine Napoléon. À mon tour, je mobilisai les quelques spiritueux que j'avais dans ma cave. Et comme je m'excusais devant mon hôte de ne pas être mieux approvisionné, « Oh !» fit le peintre, « moi, vous savez, je ne bois que de l'eau. Mais toutes ces bouteilles que j'ai vues chez vous, ce sont des bouteilles types pour des affiches que j'ai exécutées. » Le peintre Latouche, je l'ai raconté, m'avait chargé de demander à Degas où il achetait ses pastels. Un estimable critique, M. Roger Millès, devait de même me dire « Comment ce diable de Redon obtient-il les noirs si profonds de ses lithographies, le velouté de ses fusains ?» Quand je rapportai le propos à Redon, il se mit à rire. « Dites à Roger Millès que c'est en mangeant un bon beefsteak et en buvant du vrai vin. » Redon était encore de l'époque où l'on ne méprisait pas le vin. Il était originaire du Bordelais, où sa famille avait possédé un vignoble. Un soir qu'il dînait chez moi, il me dit « Il est bon, votre vin, c'est vous qui l'avez choisi ?»« Bien sûr, je ne vous croyais pas si connaisseur. » »« Ce brevet de connaisseur que vous me décernez, répliquai-je, je l'ai déjà obtenu d'un gastronome qualifié. Comme celui-ci me félicitait de mes achats, lors de la vente de la cave du Grand Véfour. « C'est bien simple, » répondis-je, « j'étais derrière vous. J'ai observé votre petit manège avec votre tasse d'argent et vos petits cubes de fromage, et je me suis fait adjuger deux ou trois caisses du même vin que vous avez acquis. » Redon semblait avoir contracté un lien avec ses amateurs. Il se considérait comme leur obligé. À l'encontre de Degas, Redon n'allait pas jusqu'à prétendre qu'un tableau est une nécessité de la vie. « Ceux qui m'achètent, disait-il, sont des amis de ma pensée. » De là à se persuader qu'il était aimé pour lui-même, il n'y avait qu'un pas. Un jour, je commandai à Redon un album de Lito, l'Apocalypse. il me demanda que 10 exemplaires lui fussent attribués, en ajoutant, non sans une certaine fierté, « Pour mes amateurs, je réserve toujours 10 exemplaires de mes gravures. Je tiens à ce que leur collection soit complète. » « Rien de mieux, dis-je. Mais voulez-vous que je me charge de les leur vendre ? Je vous garantis que cela vous rapportera le double. » Ils seraient trop désolés que je ne leur vende pas mes lithos moi-même et que mes prix aient changé. Du reste, je n'ai pas à me plaindre. Quand je songe à ce pauvre Breda qui ne pouvait pas tirer 100 sous d'un de ses dessins, moi, on me paie mes lithographies 7 francs 50 pièces. » C'est à cause de ce que j'appellerais sa candeur que les œuvres de Redon sont restées longtemps à des prix si bas. 100 francs, un de ses magnifiques dessins, 7 francs 50, une lithographie. L'un de ces mécènes qui payait Redon plus en paroles admiratives qu'en monnaie courante, un célèbre marchand de cravates de la rue du Sentier, avait trouvé un moyen pour tirer un autre avantage de ses rapports avec les artistes. Ayant acheté à Redon une de ses œuvres, « Vous viendrez bien chercher vos 100 francs chez moi. » Et il lui donnait rendez-vous pour un jour qui était le jour de réception de sa femme. « Une tasse de thé ?» lui disait aussitôt l'épouse de l'astucieux marchand de cravates. Celui-ci pouvait ainsi satisfaire à bon compte la vanité de madame, laquelle se flattait d'avoir un salon artistique. Les choses devaient changer pour le peintre du jour où un marchand de tableaux de la rue de la Boétie, qui avait acheté quelques redons, s'avisa de les mettre en vitrine, en demandant un prix très supérieur à celui dont l'artiste s'était accommodé jusque-là. Les pastels furent enlevés, aussitôt qu'exposé. Cet exemple fut rapidement suivi par des confrères, à la plus grande déception des clients de l'artiste. Ainsi, ayant rencontré le comte de P, « Imaginez-vous, fit-il en m'abordant, que je regardais l'autre jour, rue de la Boétie, un de ces bouquets de fleurs que Redon, chez lui, me laissait pour 200 francs. Une espèce de métèque entra et ne parut pas surpris quand on lui en demanda 1500. Redon avait été encore plus étonné que ravi de la montée de ses prix. « Croyez-vous, me disait-il, on m'offre maintenant de telles sommes que je me demande s'il est honnête de les accepter. Et puis, tous ces acheteurs d'aujourd'hui, est-ce qu'ils aiment vraiment ce qu'ils achètent ? J'ai quelquefois la nostalgie de mes anciens clients. Ils me faisaient bien un peu tirer la langue, mais ils avaient des mots si gentils. Enfin, pour m'acheter des œillets, ma femme n'est plus obligée maintenant de rogner sur autre chose. » Les fleurs. Même à l'époque où le ménage était le plus démuni, il y en avait toujours un bouquet dans l'atelier. À la vérité, le spectacle des fleurs ne suffisait pas à Redon. Il ne se complaisait pas moins à avoir sous les yeux d'agréables visages. Aussi madame Redon avait-elle soin de réunir toujours de jolies femmes dans son salon. Redon prisait la culture de l'esprit. Il la tenait pour nécessaire à l'homme en général et, bien plus encore, à l'artiste. Un jour, me racontait-il, en allant voir un de mes amis à la ruche, vous savez, cette cité d'artistes, je m'arrêtai devant un atelier du rez-de-chaussée. Par la porte ouverte, on apercevait un petit âne qui servait de modèle à un peintre. À côté de celui-ci, une jeune femme faisait de la broderie. Tout à fait un tableau de primitif. Sur une table, il y avait des tulipes et un livre dont la reliure fatiguée témoignait qu'on le lisait souvent. Je me suis dit... Voilà qui sonne bien. Ce n'est pas sans hésitation que j'allais frapper à la porte de l'atelier de Whistler, dont j'ambitionnais d'obtenir une planche lithographique pour mon album des peintres graveurs. Le célèbre artiste passait pour insociable. Je ne reçus pas moins de lui un accueil dont je fus infiniment touché. Moi, jeune homme inconnu, qui venait demander sa collaboration à un maître dont la moindre gravure était cotée si haut. On ne voyait aucun tableau dans son atelier. Je fis quelques timides insinuations pour que l'artiste m'en montrât. Mais ce jour-là, il ne pensait qu'à un procès qui lui était intenté. Whistler avait demandé, pour un portrait, un prix qu'il trouva à la réflexion insuffisant. Le client du peintre refusa toute augmentation, et Whistler détruisait la toile. Le peintre se croyait dans son droit, car il avait remboursé le chèque reçu en paiement. Mais le client arguait qu'avant de lui retourner le montant du chèque, il l'avait touché, ce qui impliquait à son point de vue, qui devait être celui du tribunal, accord sur le prix. Bref, Whistler était furieux. Il me développa abondamment les raisons qui, jugeait-il, lui donnaient le droit de détruire une de ses œuvres, si tel était son bon plaisir. J'allais me retirer quand il me dit « Voulez-vous rester à déjeuner avec moi? Vous partagerez ma côtelette ?» J'acceptai avec joie. J'attendais merveille d'un déjeuner chez Whistler. J'avais ouï dire qu'il avait un domestique indien, un cuisinier chinois. On parlait du luxe qu'il déployait à Londres et de ce besoin de tout faire s'harmoniser. Même la couleur des plats avec celle des mets qu'il contenait. Je voyais déjà défiler une omelette dans un plat bleu, une langouste dans un plat vert. Tout à coup, on frappa à la porte. Une vieille femme entra, portant un panier qui contenait la côtelette annoncée, un plat d'épinards et quelques pommes. Elle mit une serviette sur un petit guéridon et, ainsi que le peintre l'avait dit, il partagea sa côtelette avec moi. Les épinards étaient froids. « Il faut les réchauffer !» dit Whistler à la servante. Celle-ci posa le plat devant la cheminée. Quand le peintre voulut le prendre, il se brûla les doigts. « C'est un peu fort !» s'écria-t-il. « Le plat est brûlant et les épinards sont encore froids !» Je risquai. La faïence est mauvaise conductrice de la chaleur. Whistler rappela la bonne. « Je viens de me brûler avec votre sacré plat et les épinards sont froids. Je suis sûre que vous ne savez pas pourquoi. » Médusée, la vieille regardait son maître. « Je vais vous l'expliquer, moi, » poursuivit Whistler. « Vos épinards sont froids parce que la faïence est mauvaise conductrice de la chaleur. Comprenez-vous ? » La servante, interloquée, me jeta un regard noir qui semblait dire « Qu'est-ce que c'est encore que ce type-là qui me fait avoir des raisons ?» Bonnard, Denis, Ibels, Puyot, Rançon, Roussel, Vuillard s'étaient liés à l'atelier Julien. Le mot hébreu « Nabi », qui signifie « prophète », avait été appliqué à leur groupe par un de leurs camarades, un nommé Casalis, qui suivait le cours de langue hébraïque du professeur Ledrin. Il va de soi qu'aucun de ces jeunes peintres ne se considérait comme un prophète. Toutefois, encore qu'attiré par l'impressionnisme, il nourrissait l'ambition de trouver un mode de s'exprimer qui leur fût propre. Ce besoin de renouvellement, ils n'étaient pas les seuls à l'éprouver. D'autres jeunes peintres, rêvant d'une technique en quelque sorte scientifique, s'efforçaient d'adapter à la peinture les récentes découvertes de Chevreul dans ses découvertes sur la lumière, d'où la théorie des complémentaires, déjà pressentie par Delacroix. Pour ces peintres, le mélange des couleurs se fait dans l'œil. On posera donc sur la toile des tons purs. C'est le néo-impressionnisme. Les précurseurs de cette nouvelle école, les Seurat, les Signac, ne désespéraient pas d'arriver à amener à eux leur glorieux aîné. On réussit à conduire Degas devant l'atelier que Seurat exposait aux indépendants. Mais, vite impatienté par les théories qu'on lui développait sur l'évolution de la peinture, Degas, se retournant brusquement, désigna un tableau au hasard. « Pourquoi ? s'écria-t-il. « N'est-ce pas celui-là qui sera le peintre de l'avenir ?» C'était une toile du douanier Rousseau. Les Nabis avaient un déjeuner mensuel chez un petit marchand de vin du passage Brady. Un plaisant détail sur ce bistrot m'a été rapporté par un de ses clients. Comme la clé des cabinets était souvent égarée, le patron l'avait attachée à un os à moelle. À tout instant, on entendait crier « l'os à moelle !» ce qui provoquait une hilarité générale. Cette particularité avait fini par donner son nom au dîner qui était devenu le dîner de l'os à moelle. Dans ces agapes, on parlait surtout peinture. Le théoricien de la bande était serrusier. Étant allé une année passer ses vacances en Bretagne, à Pont-Aven, Sérusier en était revenu dans le plus grand enthousiasme. « J'ai rencontré là-bas, annonça-t-il à ses camarades, un type de génie, un nommé Gauguin. Il m'a révélé la vraie peinture. Si vous voulez faire une pomme, faites un rond. » Et Sérusier exhiba triomphalement un tableau qu'il avait peint selon les principes du maître de Pont-Aven. À vrai dire, les Nabis restèrent tout d'abord un peu froids devant cette œuvre que Sérusier appelait le talisman. Mais si Gauguin ne devait pas avoir sur eux d'influence directe, du moins les idées nouvelles que son disciple rapportait de ses conversations avec le maître donnèrent à réfléchir aux Nabis jusqu'au moment où chacun trouva sa voie propre. Vers 1893, Maurice Denis, qui avait remarqué la petite exposition que j'avais faite de dessins de Manet, en parla à ses amis. C'est ainsi que je fus mis en rapport avec quelques-uns des Nabis, Bonnard, Roussel, Vuillard, et que j'obtins d'eux, d'abord des tableaux, et plus tard des illustrations pour mes livres, quand je me lançai dans l'édition. D'autres peintres, qui n'appartenaient pas au groupe des Nabis, exposaient cependant avec eux, notamment Valta et Aristide Maillol. C'est par Renoir que je connus Valta. « Je me trouvais en Bretagne, me dit Renoir, lorsqu'au cours d'une promenade, j'observai un jeune peintre en train de faire une étude. Je fus frappé par l'heureux accord des tons qu'il mettait sur sa toile. C'était Valta. » Quant à Aristide Maillol, qui devait devenir le grand sculpteur que l'on sait, il avait commencé par faire de la peinture. Comme ses ressources ne lui permettaient pas d'acheter des toiles et des couleurs, il s'était mis à la sculpture. Il commença par sculpter des statuettes sur bois, parce que cette matière ne coûte pas grand-chose. En même temps, Maillol s'exerçait à la tapisserie. Il en existe de ravissantes, dont les laines furent teintes de couleurs qu'il préparait lui-même. Je ne dois pas oublier un jeune artiste suisse, Félix Valoton, qui était venu se joindre au groupe des Nabis. Il gravait, au canif, des bois que l'on pouvait voir reproduits dans la revue blanche, en même temps que des dessins de ses camarades. Valoton devait, par la suite, sans renoncer complètement à la gravure, aborder la peinture. La probité de son dessin l'avait fait surnommer le « petit ingre ». Et cette honnêteté, qui était la marque de son art, il la communiquait à ses modèles. Un jour, faisant le portrait d'une de ses compatriotes, il proclamait qu'un peintre ne doit jamais farder la vérité. Et comme il disait à la dame, « Riez, que je vois vos dents. »« Ce ne sont pas mes dents, » répondit-elle. Et, toute rougissante, elle enleva son râtelier. J'avais acquis une de mes premières productions du peintre, son bain suisse, qu'on me demanda pour une exposition de nu. L'exposition close, différentes circonstances m'avaient empêché d'aller réclamer mon tableau, et ce fut seulement 3 mois plus tard que je retournai à la galerie. Là, on m'apprit que ce n'était plus le même propriétaire. Mais, m'assura-t-on, tous les tableaux ont certainement été rendus. Je regardais le valoton comme perdu quand quelqu'un me dit un jour « Eh bien, vous avez trouvé un amateur pour votre bain suisse. » « Comment ça ? » En passant dans la rue de la Roquette, j'aperçus par une fenêtre ouverte une toile qui ressemble joliment à votre valoton. Je réussis à retrouver la maison. C'était celle d'un déménageur. Et c'est bien mon valoton qui était chez lui. Il m'expliqua qu'après l'exposition, la galerie devant être remise à neuf, on lui avait dit qu'il pouvait emporter tout le fouillis, quelques chaises cassées, de la vaisselle dépareillée, et enfin cette grande toile qui faisait rigoler tout le monde. « Ma femme, m'expliqua-t-il, avait d'abord voulu s'en servir pour remplacer la toile cirée de notre table de salle à manger, mais ce n'était pas assez souple. Pas moyen non plus de s'en débarrasser, même pour 100 sous. Dans le quartier, personne n'en voulait. Alors, comme dans une chambre qui est un peu humide, le papier s'était décollé, on a pendu la toile au mur, en attendant que mon garçon ait le temps d'y passer une couche de peinture dans le ton de la pièce. Je donnai 10 francs au déménageur et je repris mon tableau. Entre les Nabis et Gauguin, Serrusier était comme un trait d'union. Et quelle conviction dans les théories qu'il développait. Un jour, sur les grands boulevards, je m'entends interpeller. Je me retourne, c'était Serrusier. « Vous êtes seul ? » me dit-il. « Voulez-vous que nous marchions un peu ensemble ?» Et tout de suite, « Vous voyez cette femme au manteau violet, là, devant nous ? Quand je vous ai aperçu à côté d'elle, avec votre pardessus brique, vous ne sauriez croire à quel point ces deux couleurs hurlaient d'être accouplées. Positivement, j'en étais malade. » L'attachement que Serrusier portait à Gauguin se manifestait en toutes circonstances. Un jour que Maurice Denis disait qu'il cherchait un modèle pour poser Castor dans les filles de Lecippe, Serrusier, qui était beau comme un jeune dieu, s'écria tout à coup. « Si tu veux, je te servirai de modèle. Les 100 sous de la séance, on les enverra à Gauguin qui crève de faim. » Voici un petit fait qui montrera combien la peinture de Gauguin fut d'abord incomprise. Pour la fête de la mère Gloanec, la patronne de l'hôtel où il habitait, Gauguin lui avait offert une de ses peintures, une étonnante nature morte. Un conseiller municipal de Paris, membre de la commission des beaux-arts, qui se trouvait à l'hôtel, déclara tout net en entendant le nom de Gauguin qu'il s'en irait si une toile de ce cochon-là ornait la salle. Pour que la mère Gloanec pût accrocher la toile sans perdre ce client, Gauguin signa son tableau Madeleine B. Madeleine était le prénom de la sœur d'Émile Bernard, laquelle se trouvait à l'hôtel avec son frère, un tout jeune peintre qui avait fait à pied le voyage de Paris en Bretagne. Toutes les formes de l'art auront passionné Émile Bernard. Peinture, meubles sculptés, gravures sur bois, tapisserie. Le tableau de Gauguin signé Madeleine B. est aujourd'hui chez Maurice Denis. Quand, quelques années plus tard, je me rendis à Pont-Aven dans le dessein d'acquérir quelques-unes des toiles de Gauguin, je ne trouvais d'abord rien du peintre. Mais une fois installé à l'auberge de la mère Gloanec et mes intentions connues, les renseignements affluèrent. C'était à qui m'aiguillerait sur un châtelain, un officier ministériel, voire un pêcheur, qui avait connu Gauguin et chez qui j'avais chance de trouver de ses toiles. Cela me fit faire d'interminables marches à pied, par des chemins impossibles. Sans doute, la renommée naissante de l'artiste à Paris était-elle arrivée amplifiée en Bretagne, car, avec les prix qu'on me demandait pour les moindres œuvres de Gauguin, toute affaire était impossible. Je rentrai donc à Paris les mains vides, lorsque, passant boulevard Montmartre, j'aperçus, à la vitrine de Bousseau et Valadon, un calvaire de Gauguin, qui n'était pas moins important que les tableaux dont on m'avait demandé des 500 francs en Bretagne. Je m'informe du prix. On me répond 300 francs.